ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongé sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable, on est bien tous les deux. C'est l'été, les vacances, oh mon Dieu, quelle chance. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours, c'est dimanche, et nous dormons longtemps. À midi, sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour et de chance en chantant le ciel, le soleil. Chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil.